le plus intense des amours s'est éteint. Celui que tu m'avais promis ne finirait jamais. De lui, il ne nous reste qu'une larme dans la mer. Cette ville que tout le monde vénérait, ce bonheur des idées et des espoirs, c'est maintenant un terrain vague où guivres et panthères dorment. Isolé dans la tour la plus sournoise, sans porte, sans chaîne prestigieuse, à cause de la blessure la plus profonde, tu en as malade d'un corps qui guérit. Ce qui nous liait au monde a disparu, avec lui est morte, ta jeunesse est morte, et tu devras gémir sur ton innocence, navire doux qui ne reviendra pas. Des amours s'est éteint. Celui que tu m'avais promis ne finirait jamais. De lui, il ne nous reste qu'une larme dans la mer. Cette ville que tout le monde vénérait, ce bonheur des idées et des espoirs,